Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter. Mada yanqimoun min al-Sheikh Yahya al-Hadouri. Aïe, la traduction, que reproche-t-il à Sheikh Yahya al-Hadouri? Waffaq Allah al-Jami'a. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala al-tawfiq wa al-sadat. Wa al-qasd, c'est diffa' an al-haq. Al-qasd, c'est pas de taqlid, abadan. Si le Sheikh s'est trompé, il s'est trompé. Et on dira, il s'est trompé. On est venu dans ce maqam pour apprendre l'ilm. On n'est pas venu dans ce maqam pour suivre Fulan ou Allah. Un cours donné par le frère Mounir al-Maghribi, hafidahullah ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyat Bidammaj au Yémen. Cours numéro 3. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومما ينتقد هؤلاء على الشيخ يحيى الحجوري حفظه الله تعالى أنه يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنزلة الصحابة رضي الله تعالى عنهم معلومة عند المسلمين عموما وخاصة عند أهل السنة قد قال عليه الصلاة والسلام آية المؤمن حب الأنصار وآية المنافق بغض الأنصار وشيخنا يحيى وفقه الله تعالى ممن يحب الصحابة ويدافع عنهم ويتبعهم ويفهم النصوص بفهمهم فقال الشيخ يحيى حفظه الله اي on va citer une de ses paroles في الصحابة اي la place qu'ils ont عنده قال الذي يسب الصحابة عدو لله نعم Celui qui insulte les compagnons du prophète alayhi wa sallam, c'est un ennemi d'Allah azza wa jalla. لأن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من أولياء الله بل من ذروة أولياء الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فالذي يسب الصحابة ساعدوا لله عز وجل. قال ومن سبهم جميعا أو كفرهم جميعا أو أكثرهم فهو كافر. نعم هذه عقيدة أهل السنة. أن celui qui insulte les compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام ou la plupart des compagnons, فهو كافر. قال كما أبانه شيخ الإسلام ابن تيمية في الصارم المسلول على من شاتم الرسول. قال والذي يتهم عائشة بما برأها الله منه أيضا فهو كافر. نعم celui qui accuse Aïcha d'avoir fait cette chose que Allah subhanahu wa ta'ala il l'a innocenté أي الزنا Allah subhanahu wa ta'ala il a montré في القرآن que c'était un mensonge هذا سيكون كافر لأنه كذب القرآن. نعم قال والصحابة رضي الله عنهم نص القرآن على عدالتهم برضا الله سبحانه وتعالى برضا الله نعم قال والصحابة رضي الله عنهم نص القرآن على عدالتهم برضا الله عنهم قال عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الآيات الآية هذا الكلام من الكنز الثمين المجلد الأول هذا معتقد الشيخ وفقه الله في الصحابة الحب والنصرة والدفاع عنهم والاقتداء بمنهجهم. هذا حال جميع أهل السنة والجماعة. لكن القوم انتقدوا على الشيخ بعض الأمور نقرأها الآن وننظر الصواب فيها. La première مسألة في هذا الباب هي الطعن في الصحابة. مسألة ظاهرة الإرجاء كانت في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأن أول من قال بالإرجاء عثمان بن مضعون عندما شرب الخمر. هذا الكلام أي ظاهرة الإرجاء كانت في أصحاب النبي. أي الإرجاء تعلمون سن بدعة. تقدمت معنا في الواسطية سد بدعة بدعة الإرجاء أي تأخير العمل عن مسمى الإيمان. وأول من قال بالإرجاء عثمان بن مضعون. فأولا هذا الكلام اعلم أن الشيخ يحيى حفظه الله عليكم السلام نقل كلام ابن أبي العز فهو يغبط الكلام فقط. هذا الكلام مبواه أن ابن أبي العز إلى الستي من هذا الكلام لكن با avec cette formulation. فالشيخ حفظه الله il lui reproche ce كلام qu'on va lire de ابن أبي العز والشيخ حفظه الله لناقل لا قائل ينقل الكلام خاصة وهو يدرس شرح الطحاوية. وتعلمون أن المدرس يقرأ الكتاب قد يعلق على بعض الأمور انتقادا وقد لا يعلق لأسباب. على كل حال يعني السكلام يعني السكلام الشيخ يحيى حفظه الله نقله عن ابن أبي العز السكلام للسيتي بنصه لأن عرفات إلى غابقت سكلام إلى إلا ما رابقت مطمو أبدا. قال الإمام ابن أبي العز في شرح الطحاوية إن الشبهة التي دخلت على المرجئة كانت قد وقعت لبعض الأولين أي سد بدعة بدعة الإرجاء. الإمام ابن أبي العز يقول أن سد شبهة الغنطخي في بعض الأولين. قال وهم قدامة ابن عبد الله الصواب ابن مضعون ابن أبي العز وهما في هذا قدامة ابن عبد الله الصواب قدامة ابن مضعون وأصحابه. نعم هذا كلام ابن أبي العز أن بدعة الإرجاء الأبغي في قدامة ابن مضعون وبعض أصحابه. قصة quand ils ont bu الخمر ils pensaient que c'était حلال. الآن الشيخ يحيى حفظه الله يدرس شرح الطحاوية أي غبق اللي سو كلام ده ابن أبي العز أو في غير درس شرح الطحاوية قد يقرأ هذا الكلام. فالآن أنتم يفكون قد أن المتكلم سي ابن أبي العز أما الشيخ يغبق سو كلام إلى دي كذا. هذا أولا. ثانيا أما عرفات الكذاب il fait apparaître qu'un sheikh il a dit هذا. Il fait apparaître qu'un sheikh il a dit كذا. Il dit pas il a lu le kalam de Ibn Abi al-Izz. Il y a une différence. ثانيا il a rajouté des كلمات عرفات. إن أول من قال بالإرجاء il a dit. أما Ibn Abi al-Izz son kalam il est pas بهذا اللفظ. ابن أبي العز يقول إن الشبهة التي دخلت على المرجئة كانت قد وقعت لبعض الأول. فأولا لنقل عرفات إلي با متامو. وفي هذا الحال في باب الردود لا بيرسون يدوى سيفورسي أسيتي لا بارول دو لا بيرسون. أما سي تو سيت أببخي بالمعنى دون لو سونس قد يتغير الكلام. بعض الناس يبغى يفهم أطرمه لكن الرجل اللي معروف بالخيانة والكذب أي عرفات ثالثا لأن قد يقول قائل une personne الآن il peut se dire لكن pourquoi الشيخ يحيى il lit le كلام de Ibn Abi al-Izz et il montre pourquoi il montre pas que c'est une erreur si c'est une erreur قد يقول قائل هذا on répond أولا il y a plusieurs ulama qui ont lu شرح الطحاوية à leurs élèves et ils n'ont pas نبع على هذا ils lisent le كلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله il a étudié ce livre avec ses élèves il a lu ce passage et il a pas علق est-ce qu'on va dire sur Ibn Baz il est d'accord avec Ibn Abi al-Izz sur cette erreur الشيخ الألباني الإمام رحمه الله il a حقق الكتاب il a pas علق على هذا est-ce que ça veut dire il est d'accord et il insulte ses compagnons il les accuse de murji'a أبدا الشيخ محمد أمان الجامي عليه رحمة الله إلى كذلك علق على الكتاب إلى دي زوجيو في هذا إلى بنتقد ابن أبي العز في هذا إلى بنتقد ابن أبي العز يسي تخبي est-ce que ça veut dire que tout cela ils insultent ses compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام ثانيا deuxième chose الشيخ يحيى حفظه الله après ça quand il y a eu cette fitna par rapport à cette mas'ala il a étudié le sujet bel amara ba'd at-tullab il a demandé à certains de ses élèves de regarder ce kalam est-ce qu'il est sahih ou la et le cheikh il a montré que ce kalam c'est un khata de la part de ibn abi al-izz hada نعم فلا ينبغي أن يقال في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا وتعلمون الآن أن القائل الإمام ابن أبي العز إلى دي هذا الكلام ولا ينبغي في حق الصحابة أنهم تجير أن الإرجاء اللي أبارو chez certains compagnons du prophète عليه الصلاة والسلام لا ينبغي هذا فالآن الشيخ سيبا لوي كادي ثم الشيخ يمونتر أن ce كلام لا ينبغي في حق الصحابة Faut éviter de parler comme ça fi haqq as-sahaba avec tout ça la yazalun ils disent an-nashikh qal kada alors que aslan c'est pas lui le qa'il il y a une différence entre le qawl wa an-naql 'inda ahl al-'ilm fa hada fa la yazalun avec tout ça yattahimun ash-shaykh yadik as-sahaba ils ont eu de l'irja ila akhir awalan c'est pas le kalam ma fi jami' as-sahaba kalam ibn abi al-'izz la il a précisé qudama ابن مضعون وبعض أصحابه فلا لا personne doit être دقيق في الألفاظ حتى si il y a une erreur on répond à l'erreur أما la personne il n'est pas précis dans ses paroles il peut penser qu'il y a une erreur dans une parole il n'y a pas d'erreur أو يضخم الخطأ il amplifie l'erreur la précision في هذا الباب c'est مهم كذلك autre chose ce كلام الآن qui reproche à الشيخ أبو الحسن il lui avait reproché تعلمون أن فتنة أبي الحسن il y a 10 ans فتنة أبي الحسن et parmi les choses qui reprochent à الشيخ هذا الكلام أنه يدي كذا فنحن الآن on pose une question لماذا عرفات et autres que عرفات ils connaissent cette فتنة ils ont vécu la فتنة أبي الحسن بل بعضهم ils ont une position ils étaient avec أبو الحسن فكيف الآن 10 ans ils se taisent à 8 ans, à 9 ans, ils se taisent, tout le ils font apparaître, on défend l'honneur des compagnons du prophète, alayhi sallallahu alayhi sallam. Pourquoi t'attends 8 ans? Si c'était haq, la kalam, la parole de Abu al-Hassan, l'imada t'a pas dit Abu al-Hassan, viada, il a raison. Et tu demandes à Cheikh Yahya de faire taouba. L'imada, ce silence pendant des années, et le jour où Cheikh, il a parlé sur la tête du hizb, خلاص il est mauvais et il insulte ses compagnons. Wallah, thumma wallah, que ce Cheikh, il n'avait pas parlé sur leur Cheikh à eux, bihaq. Ils n'auraient jamais cité ce cas-là. Alors que pour eux, c'est un ta'an fi sahaba. Si Cheikh, il est avec toi ou contre toi, s'il insulte tes compagnons, tu dois montrer son hal. Lakin al-hawa. Tout ça pour vous montrer, on vous l'a dit et on le répète, anna hadihi ar-rudud, ces répliques, soi-disant contre Cheikh, c'est pas min bab al-nusr ou al-islah. وإرادة الخير لأخيك أي tu lui montres ses erreurs أبدا pas parler contre nous on va parler sur toi et ils utilisent des moyens qui sont pas شرعي الكذب والبتر والتدخين أي ils mentent ils enlèvent certaines paroles ils rajoutent ils modifient et tout ça il y aura pas de baraka في هذا أبدا et la personne il pense à يوم القيامة وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال عز وجل chaque parole que la personne il prononce chaque mot qu'il écrit بل ce qu'il pense Allah subhanahu wa ta'ala يعلمه فنسأل الله العافية والثبات deuxième مسألة فلا première مسألة qu'ils ont reproché à Cheikh في الصحابة هذا الكلام on résume أن الكلام لابن أبي العز الشيخ يحيى il a répété ce كلام ثم il a montré أن ce كلام لا ينبغي فهذا tu peux pas reprocher à Cheikh t'as dit كذا c'est pas lui qui a dit et il te montre qu'il n'est pas d'accord avec ce كلام إلا حاقد une personne ne veut pas le haq il s'entête mais celui qui veut le haq tu peux pas reprocher une chose qu'il a pas dit deuxième مسألة أن بعض الصحابة شاركوا في قتل عثمان رضي الله عنه deuxième مسألة qu'ils ont reproché à Cheikh قوله أن بعض الصحابة شاركوا في قتل عثمان أي certains صحابة ils ont participé au meurtre de Uthman radiyallahu anhu كلام الشيخ حفظه الله ووفقه لكل خير اعتمد cette parole الشيخ اعتمد على روايات الشيخ il s'est basé sur des récits ذكرها ابن سعد في الطبقات طبقات الحنابلة ابن سعد le volume 3, page 72. Il a cité des riwayat, des narrations, des récits. Anna ba'd al-sahaba, ils ont participé. Qala kadhalik wa ibn Shabbah fi tarikh al-Madina. Volume 4, page 1228. Kadhalik, il a rapporté des riwayat. Fa Sheikh Yahya hafidhahullah, il a répété cette riwayat. I'timadan 'alayha. Il s'est basé sur cette riwayat. فأولا on leur dit si vous répondez vous accusez Cheikh de ta'am sur Sahaba فإلا été précédé par Ibn Sa'd ou Ibn Shabba في التاريخ أولا ثانيا quand ils ont reproché à Cheikh هذا Cheikh il a étudié les Asani il a étudié ses narrations في طبقات Ibn Sa'd وتاريخ المدينة et Cheikh il s'est aperçu que les Asani ils sont ضعيفs فإلى retiré ce كلام la prochaine édition de son livre où qu'il avait cité ce كلام la prochaine l'édition suivante الشيخ il a retiré ce كلام لأن il s'est aperçu أن ces روايات لا تثبت et c'est ça اللائق بالصحابة أن لا أحد من الصحابة رضي الله عنه il a participé au meurtre de Uthman ou il a أمر il a ordonné de tuer Uthman ceux qui ont tué Uthman c'est le Khawarij c'est le Dhullal c'est بعض الجهال اما الصحابه ils sont بريء من هذا الخلاصه الشيخ يحيى سنت خما نحن لا نقول ils se trompent pas ابدا ils se trompent ثم s'il voit l'erreur باذن الله il revient s'il revient pas on dira il s'est trompé ثم le jugement il sera par rapport à cette erreur اما الان il a rapporté ce كلام on le nie pas ثم il s'aperçoit dans les tabaqat ibn Sa'd et dans le tarikh de la Médina les asanid sont faibles il le retire de son kitab ماذا تريد ماذا تريد بعد هذا بل في الحقيقه هذا c'est منقبة من مناقب الشيعة الحقيقة ça c'est une qualité il s'est trompé il s'est un kalam ثم il étudie les isnad il s'aperçoit que c'est faible il le retire de son livre حتى لا احد يفتن بهذا الكلام c'est une منقبة نحن الان on dit à Haoula toutes les erreurs que vous avez, qu'on a citées, et que d'autres ils ont citées, qu'on citera Inch'Allah, est-ce que vous allez les retirer? Et il y en a pour retirer une erreur, il faut du tawadu, il faut de la modestie, et il faut at-tawfiq min Allah. Pour revenir sur une erreur, la modestie, et Allah subhanahu wa ta'ala itawfiq. Amma katir min al-nas, ils ont des erreurs wadihat, et ils ne les retirent pas. Et ils ne reviennent pas sur cette erreur. Une autre مسألة في هذا reproche à Cheikh Yahya Hafidhahullah أنه يقول أن أذان عثمان الأول أي الأذان كعثمان إلى غاجوتي après la mort du prophète صلى الله عليه وسلم d'Abu Bakr et de Omar. Ils accusent le Cheikh أنه يكالفي cet أذان de بدعة et de ضلال كما في كتاب الجمعة. قول الشيخ حفظه الله قال في كتاب أحكام الجمعة باب ذكر من حكم بأن الآذان الأول للجمعة محدث وبدعة. فالشيخ يقول بها الشيخ يدي أن الآذان كلا غاجوتي عثمان سن بدعة. لكن الكذب عرفت سن habitude pour lui الكذب قال في شريط له يأتي للصحابة عثمان عنده بدعة يصف عثمان بهذا ويصف عثمان بأنه صاحب بدعة. شف على كذب. الآن نحن on dit que الشيخ il a dit ce كلام في أحكام الجمعة le kitab il a imprimé إلى يومنا هذا أنه il dit que c'est une بدعة et c'est محدث. الكذاب يقول dans la cassette qu'il a propagée, il يقول ويصف عثمان بأنه صاحب بدعة. Et ça, il y a une différence عظيمة. هو يبرétend أن الشيخ يحيى il dit que عثمان c'est un صاحب بدعة. C'est un مبتدع. صاحب بدعة. هذا الشيخ il l'a jamais dit أبدا. الشيخ il a dit le عمل c'est une بدعة. Il n'a pas dit celui qui fait ce عمل c'est une بدعة. Il y a une différence عند أهل السنة. قال الشيخ يحيى حفظه الله قبل أيام في درسه يا كلك جور قال لا يجوز وصف أحد من الصحابة بالبدعة أبدا. فبال دغوة دو دير كان صحابي سامبتجع أو صاحب بدعة فبال دغوة هذا أبدا. لكن الكذاب إلى بخلو كلام الآذان سن بدعة إلى كونكلو أنه الشيخ يديك عثمان سيان صاحب بدعة. هذا سمن الظلم. عند أهل السنة لا يلزم من قال أن فلان إلى فين بدعة أو صن فعل سن بدعة لا يلزم من هذا كسا مبتدع إلا عند الحدادية الضلل. فالآن عرفت التصرف كلا سبطر التصرف ده أهل السنة لأن pour lui il a compris que si tu dis cette chose une bid'a automatiquement celui qui fait ça مبتدع. لا ça c'est pas صحيح. Il y a des personnes ils font des bid'a c'est pas des مبتدع. Maintenant, il y a l'ignorance. Je ne peux pas dire que c'est un innovateur, il est ignorant. Tu lui montres. S'il persiste, c'est autre chose. Kadhalik, il y a l'ijtihad. L'ijtihad, c'est ça, bihaq Uthman. Il a fait un effort, il s'est trompé. On dit le fi'l, il est muhdath, comme on va voir kalam ahl al-ilm, ou c'est une bid'a. Lakin, Uthman, radiallahu anhu, c'est un sahabi jali. Il est récompensé, il a fait un ijtihad. Enfin, c'est pas tous ceux qui font une bid'a, c'est des mubtadi'. C'est pas tous ceux qui font du kufr, c'est des kuffar. Illa 'inda al-haddadiyya. Wal 'ajib anna hadha al-jahl wa man 'ala shakilatihi izakuz al-shaykh Yahya et ses élèves de haddadiyya. Chef l'an, huwa il applique usul al-haddadiyya. Ils s'en rendent compte ou ils s'en rendent pas compte. Kadhalik, on n'oublie pas أن celui qui a préfacé le livre de Cheikh Yahya et de Cheikh Yahya c'est Cheikh Muqbil. C'est Cheikh Muqbil. Vous vous rappelez أن الكذاب il avait accusé Cheikh Yahya de dire أن الرسول صلى الله عليه وسلم on n'accepte pas sa parole sauf si un délit. Vous vous rappelez de cette masala. Cheikh Yahya il a jamais dit ça. Il a préfacé la risala du frère. فهو il a accusé Cheikh Léana, il a préfacé. Al-An, est-ce qu'il va accuser Cheikh Mokbil de Hada? Léana, c'est Cheikh Mokbil qui a préfacé Kitab al-Jumu'ah. Est-ce qu'il va dire Cheikh Mokbil, il est d'accord avec Cheikh Yahya et il a takalam fi Abedan? Abedan. Alors que Cheikh Mokbil, il a préfacé le Kitab et Cheikh Mokbil, il était vivant pendant des mois. Personne n'a dit, Ya Cheikh, retire ce kalam, dis à ton élève, il retire Abedan. Abedan. Fa'ajaib bel. Cheikh Mokbil, rahimahullah, il sarrah anna cet adhan, c'est une bid'a. Même si on enlève la muqaddima, Cheikh Mokbil, il dit adhan que Uthman il a fait après Abu Bakr, après Omar, bel après Nabi Sassan, c'est une bid'a. Est-ce que Arafat va dire anna Cheikh Mokbil, à l'aqal, il s'est trompé? Abadan. قال الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله وقد قال عبد الله بن عمر كما في مصنف ابن أبي شيبة أنه بدعة بل on dit à Arafat et ceux qui le suivent Anna Abdullah ibn Umar, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fils de Umar ibn Khattab, il a qualifié cette adhan de bid'ah. Est-ce que Abdullah ibn Umar il a dit que Uthman c'est un mubtadi' ou un sahib bid'ah? Mais le fi'l il a été inventé après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Abdullah ibn Umar نعم في مصنف ابن أبي شيبة أنه بدعة أي الأذان الأول. قال ولسنا نقول ساسي كلام شيخ مقبل قال ولسنا نقول إن عثمان رضي الله عنه مبتدع. الشيخ مقبل سان إمام دل السنة يستخبي أن بعض الناس يبغون لا يفهم مثلا ils ont demandé à الشيخ مقبل sur ce أذان. الشيخ مقبل قال بدعة لا دي سن بدعة ثم الشيخ مقبل يبخسيز ولسنا نقول إن عثمان رضي الله عنه مبتدع. الشيخ مقبل يتمنط on dit pas que Uthman c'est un mubtadi. Abadan. On dit le fi'l c'est une bid'a. Lakin la personne c'est un sahabi. C'est min al-khulafa al-rashidin. C'est un mujtahid radiyallahu an. Personne dit que Uthman c'est un sahib bid'a. Abadan. Lakin si une personne aujourd'hui vient, matalan, et il fait une bid'a et on le conseille et il n'accepte pas, on dira, ou l'ulama ils diront c'est un mubtadi. هذا قال الشيخ مقبل لكن نقول اجتهد والدليل يخالف اجتهاد سسا الصواب انه اجتهد الى فان فور رضي الله عنه il s'est trompé et le dalil يعني il est autre que la parole de Uthman في هذه المساله ça vous montre الحقيقه ان هؤلاء ils sont pas justes sont pas droits dans leurs accusations. Il y en a une faute, qu'elle soit faite par Cheikh Yahya, par Cheikh Mokbel, par Foulan, par... Enfin, une faute, c'est une faute. Si tu conseilles Foulan, conseille Foulan. Non. Quand il dit que Cheikh Mokbel, il est mort. Une fitra, il était vivant, vous n'avez jamais conseillé. Kadhalik, il est mort. Ala al-aql, tu mets en garde contre la parole. Ala al-aql, si c'est une erreur. Je dis, Cheikh Mokbel, rahimahullah, il avait dit cette parole, c'est un khata. Ala al-aql, lakin la. القوم يغشش دي زيغور في الشيخ حتى يفون طومبي سا دعوة في الشيخ يحيى فقط فقط نذكر بعض كلام الأئمة في هذه المسألة on cite des paroles de أئمة في هذه المسألة لأنهم يفون apparaître أن الشيخ يحيى c'est que lui qui a dit ce كلام et il accuse les صحابة on a cité la parole d'Ibn Umar on a cité la parole de الشيخ مقبل. On répète la parole d'Ibn Umar avec le sanad. قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف قال حدثنا شبابه قال حدثنا هشام بن الغاز عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال الآذان الأول يوم الجمعة بدعة. هذا كلام ابن عمر. الأثر إذا صحيح كما ترى رجاله سد ثقات شبابه ثقة هشام كذلك نافع أثبت الناس من أثبت الناس في ابن عمر ابن عمر صحابي فالأثر صحيح واضح لثابت ابن أبي شيبة إلى غابورتي والشيخ مقبل إلى صحح العلامة الإثيوبي كذلك كثير من العلماء اللي صحح فهذا سكلام ابن عمر قال أن الأذان الأول سن بدعة كذلك الحسن البصري رحمه الله الإمام قال ابن أبي شيبة رحمه الله حدثنا هشيم عن منصور عن الحسن أي البصري قال النداء الأول أي الأذن الأول يوم الجمعة الذي يكون عند خروج الإمام أي جلوسه على المنبر والذي قبل ذلك محدث أي الأذن كي أفو لفت كنت الإمام يصور أي يموت على المنبر لمؤذني في الأذن الأذن كي أفو سولا إلي محدث إلي محدث والإحداث معروف أي il a été fait après le prophète صلى الله عليه وسلم le prophète il l'a jamais fait et le أثر il est صحيح عن الحسن كذلك سفيان الثوري رحمه الله قال الإمام ابن رجب رحمه الله وقال سفيان الثوري لا يؤذن للجمعة حتى تزول الشمس وإذا أذن المؤذن قام الإمام على المنبر فخطب ساسي أذان كتاع لبوك جو بروفيت عليه الصلاة والسلام قال وإذا نزل أقام الصلاة نعم ثم كنت فيني لا خطبة يدسان المؤذن في الإقامة قال والأذان الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر آذان واحد ستأذن أذن سلويك لا ستة قال وهذا الأذان الذي زادوه محدث السؤدان كي تغاجوتي لمحدث هذا كلام سفيان الثوري الإمام كذلك قول الإمام الصنعاني رحمه الله قال وأما النداء الذي أراده المصنف هنا وفي البحر أي سنة كتاب فإنه شيء مخالف للشرع المعلوم والبدعي الذي أحدثه عثمان الإمام الصنعاني لا صرح البدعي أي ست شوز ان شوز انفونتي سون بدعة celui qui l'a inventé c'est عثمان رضي الله عنه on dit pas que عثمان c'est un مبتدع أبدا أبدا لا يقول هذا إلا الضال منحرف رافضي أما أهل السنة أبدا لكن مدخلغة ما في شيء et عثمان on a dit c'est un مجتهد il a une récompense pour son اجتهاد رضي الله عنه وقال الإمام الوادعي رحمه الله on a cité son كلام on cite une deuxième parole قال فعرف من هذا أن الأذان ليس بالسنة أي السؤدان que Uthman il a appliqué après la mort du prophète d'Abu Bakr et d'Umar Cheikh Mokbel il dit c'est pas une sunna قال ولا ينبغي أن يفعله مسلم qu'est-ce qu'ils vont dire في Cheikh Mokbel الآن بهذا الوضوع هذه الصراحة après tout ça si t'as compris tout ça أيها الطالب عرفت بركست كلا بخباشي قال قال فقد أجمعت الأمة أن الخلفاء الراشدين لهم سنة متبعة يجب اتباعها وأن الأذان الأول أجمعت الأمة على أنه أذان شرعي ومن السنة وما خالف إلا الحجور شوف على كذب هو الآن عرفت لسي دو مونتخي دو مونتخي أن سنة الخلفاء أي لا فوا دي خلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي On doit la suivre. طيب. إجماع. ثم قال أن الأذان الأول أجمعت الأمة. أي السؤدان الأول il fait partie de la voix des خلفاء. C'est عثمان qui l'a légiféré. ثم يمضغ أن toute la communauté elle est على هذا سوف الحجون. الآن il veut montrer أن الشيخ يحيى il s'est tellement égaré qu'il خالف l'unanimité des compagnons et des savants. أيها الكذاب on t'a cité la parole d'Ibn Umar. On t'a cité la parole de Sufyan al-Thawri, de Hassan al-Basri, de l'imam al-San'ani et de Sheikh Muqbil. Et il y a des autres. Et il y a des autres. Fakayf al-An, Sheikh Muqbil, yaqul, laysa bi sunna. Ce adhan. Al-Kadhabi dit, waqad ajma'at al-umma, ala annahu adhanun shar'i, wa min al-sunna. Imma, il compte pas Sheikh Muqbil. Et ça c'est grave, il y en a où ça, imma. Imma, al-Hawa, il veut faire tomber Sheikh Yahya. Et il essaye de cacher ce kalam. Kadhalik, qu'est-ce que tu dis de kalam Ibn Umar? Il est sahih. Ibn Umar, il a dit c'est une bid'a. Lakin, certains nas misakin, ils ont du jahl et tout ce qu'ils entendent, ils le croient. Là, là, kalam Arafat, c'est un kadhab. Celui qui écoute son kalam, il y a un tabi. Et aslan, tu ne dois pas écouter son kalam. Lakin, certains nas, ils ont tarroubi. Kala al-imam al-albani, rahimahullah, sur cette mas'ala. أي إذا دمنت خيالنا سبا توس كي زون في الخلافة كسين سنة أبدا لا لا هذا خطأ سكي لسيد دمنت خيال عرفات توس كي زون في الخلافة كسين سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين قال الشيخ الألباني إن هذين الحديثين أي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقوله عليه الصلاة والسلام اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر قال لا يراد بهما قطعا اتباع أحد الخلفاء الراشدين في حالة كونه مخالفا للسنة صلى الله عليه وسلم أي للسنة النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده الشيخ الألباني الآن يتموت contre النبي صلى الله عليه وسلم الذي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين ça veut pas dire que si un des califs il a خالف السنة tu dois le suivre أبدا لأن الأصل c'est السنة du prophète عليه الصلاة والسلام قال لا قصدا لمخالفتها حاشا من ذلك ça c'est un تنبيه مهم أن من Si un des califs, il se trompe, c'est pas volontairement. C'est pas il a voulu délaisser la sunna du prophète. Abadan. Ha'oula, c'est ahras al-nas ala ittiba' sunnat nabi sallallahu alayhi wa sallam. Lakin bab al-ijtihad il est ma'ruf. Il peut se tromper, il a fait un effort d'interprétation et il s'est trompé. Hada, il est pas ma'soum. Abadan. Hada qui démontre l'an, Cheikh al-Albani. Qala ومن أمثلة هذا ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى من لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي. Par Parmi les exemples, Omar radiallahu anhu, il a fait un ijtihad et il a pensé que celui qui ne trouve pas d'eau, il ne fait pas de tayammum. Il cherche de l'eau. Il ne fait pas de tayammum. Ma'ruf, la sunnah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, celui qui ne trouve pas d'eau, il fait de tayammum. Al-An, Omar radiallahu anhu, il a cet avis. Est-ce que nous, comment on fait l'an? Tu te retrouves dans une situation, tu n'as pas d'eau. Qu'est-ce que tu fais? Tu suis Nabi sallallahu alayhi wa sallam, tu fais de tayammum? Ou tu suis Omar et tu ne fais pas de tayammum? Al-Jahl An Arafat, il te dit, tu suis Al-Khulafa Al-Rashidin. Dans tout. Enfin, comment on fait l'an? Lui-même, Arafat, s'il n'a pas d'eau, il va faire tayammum. Lui-même, s'il n'a pas d'eau, il va faire tayammum. Ahl sunnah al-an, il faut tous tayammum quand ils n'ont pas d'eau. Est-ce qu'ils suivent l'avis de Omar? Omar, il fait partie de l'Khulafa. Al-Hawa. On vous a dit, le Qawm, ils sont fondés, ou l'Iyadu Billah, sur l'Hawa. Qala wa itmam utman li salat fi mina. Ma'a anna sunna thabita anhu sallallahu alayhi wa sallam, qasruha. Cheikh Al-Albani donne un autre exemple. Al-Khulafa al-Rashidin, ils peuvent se tromper et on ne les suit pas dans leur erreur. Mathalan, Uthman radiallahu anhu, al-Sunna, c'est de faire le qasr fi mina. Ceux qui ont fait le Hajj, quand tu arrives à Mina, tu fais les salawat et tu fais le qasr. Al-Duhar, tu le fais en deux rak'a. Al-Asr, en deux rak'a. Uthman radiallahu anhu, il a fait l'itmam, il a fait quatre. Al-An, tu vas au Hajj, Arafat, il va au Hajj, il fait deux rak'a. Il ne fait pas quatre. الآن tous ceux qui vont au Hajj, ils font deux rak'a. Amina. Nous lui dit là, suis Al-Khalifa, il a fait quatre. Et tu vas délaisser sunnat al-Nabi, alayhi sallallahu alayhi wa sallam. قال الإمام الألباني رحمه الله فلا يشك عاقل أنهما لا يتبعان في مثل هذه الأمثلة المخالفة للسنة. شيخ الألباني dit celui qui a la raison, il a aucun doute. أن si tu connais l'erreur de un d'eux, ça soit Omar, Abu Bakr, Uthman, Ali ou après eux, on n'a pas le droit de suivre une personne dans l'erreur. On doit revenir à la sunna. Arafat al-Jahl قال فقد أجمعت الأمة أن الخلفاء الراشدين لهم سنة متبعة يجب اتباعها. Il ne sait pas le jahal anna ce kalam. Aïe alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa al-rashidin. Aïe si l'khulafa, leur voix, elle concorde avec la sunna. On les suit. Lakin matalan Omar il s'est trompé, mais salat tayammum, on ne les suit pas. Abu Bakr il s'est trompé, radiallahu anhu, mais salat al-mut'a, fil hajj. Ibn Abbas il l'a khalif. Ils ont dit à Ibn Abbas, lakin Abu Bakr et Omar ils disent kada. Il a dit, akhsha alaykum. Akhsha alaykum. An tasqa alaykum hijarat min as-sama. Ce lafd il est da'if. Ou l'autre lafd. أنه أعذاب اللي توش جفودي قال رسول الله إفوديت أبو بكر عمر هذا سموقف ابن عباس الجاهل عرفات يقول فقد أجمعت الأمة أن الخلفاء الراشدين لهم سنة متبعة يجب اتباعها إلى بابخسيزي صف سي يسترم كم إلى بخسيزي الشيخ الألباني لا ديفيرونس سي كوا سي الشيخ الألباني سان إمام في السنة أي يقول الحق هذا سي أن ضال سان منحرف يسوي سا هوا. Et tu vois directement la différence entre les deux aqwal. ثم قال عرفت وان الاذان الاول اجمعت الامه على انه اذان شرعي. الشيخ مقبل يدي سن بدعه. الشيخ مقبل يدي ليس من السنه. ابن عمر يدي سن بدعه. سفيان الثوري يدي محدث. الامام الصنعاني يدي محدث. كم من ائمه هو يدي لونانيميتي يدي كو سان اذان شرعي. صلى الله عليه وسلم. تو سا بوكو قال وما خالف إلا الحجوري لأنه هو il a vu Cheikh Yahya, il s'est dit خلاص on va faire tomber, il s'est précipité, il a dit sauf Cheikh Yahya. Ya Jahal, t'as oublié les autres, t'as oublié les autres أئمة في السنة. قد يقول قائل mais il connaît pas ses أقوال, il s'est trompé أبداً لأن il a انتقد على الشيخ son كلام في أحكام الجمعة. الشيخ il a cité tous les أئمة qu'on dit et لا شك إلا لي لكن ربما يعني إن شبهة فقط pour ceux qui n'ont pas de علم. بعض الناس يغترون بهذا الكلام. Ils écoutent, ils disent خلاص شيخ يحيى خالف tout le monde. يا أخي recherche. Dis pas, non, te dis pas accepte tout شيخ يحيى ou accepte tout de Fulan. Laisse tout le monde au même niveau et fais tes recherches. Et tu verras que le haqq يظهر. أما automatiquement شيخ يحيى il a tort, c'est un hadadi, c'est un égaré. Tu sais même pas son كلام. قال عليه الصلاة والسلام الظلم ظلمات يوم القيامة. Ils ont demandé à Cheikh Yahya, habidahullah, on appuie pour montrer qu'il n'a pas dit ça. Ils ont demandé à Uthman, radiyallahu anhu, ataquloun annahu sahib bid'a. Ils ont demandé à Cheikh, est-ce que tu dis que Uthman c'est un sahib bid'a? Qala al-Sheikh Yahya, habidahullah, wallah, la ahad qala bi hada min al-muslimin. صحيح. Ceux qui disent هذا c'est الروافض. الروافض يطعنون في عثمان. Ils disent pas que c'est un مبتدع, ils disent encore plus هم. أما un مسلم qui connaît السنة من باب أولى un طالب علم من باب أولى un savant, il dit أن عثمان c'est un صاحب بدعة. Et nous, on a tahaddahum une cassette, un livre, le Cheikh il a dit هذا. لأن عرفت الآن, ce qu'il faut faire attention vous, c'est qu'il a صرح بهذا. Il a dit ويقول أنه صاحب بدعة. الآن nous lui dit emmène une cassette ou un livre à la Cheikh قال هذا. Ou un témoignage véridique, une personne de confiance il a entendu Cheikh. Abadan. Du kadhib, il a pris le kalam, c'est une bid'a que Cheikh Muqbil il a dit, Ibn Omar kadhalik il a dit, Cheikh Yahya il a dit, il a pris ce kalam et il a voulu faire croire que ça implique que c'est un sahib bid'a. Et ça c'est tariqat al-haddadiyya. قال الشيخ يحيى والله لا أحد قال بهذا من المسلمين ما أعلم فكيف يقول هذا مسلم أنه صاحب بدعة مبتدع أبدا ولكن يقال اجتهد والمجتهد يصيب ويخطئ هذا ساس كلام الشيخ مقبل رحمه الله ابن عمر إلى دي بدعة لا شك ابن عمر يبونس باك عثمان سان صاحب بدعة ومبتدع أبدا لكن من باب الاجتهاد كم الاجتهاد كلا في عمر كم الاجتهاد كلا في أبو بكر comme l'ijtihad qu'il a fait Ali. Ils ont fait des ijtihadat, ils ont pu se tromper dans une mas'ala, ils sont récompensés et c'est des imams de la sunna. On les aime fillah et on déteste ceux qui les détestent. من المسائل كذلك الطعن في الأقرع ابن حابس. Ça c'est من العجائب. هذا عجيب. Tu te demandes comment ils ont pu accuser Cheikh من هذا. Cette مسألة قال عرفات وقد أخطأ الشيخ البيحاني غفر الله له على الأقرع ابن حابس في كتابه إصلاح المجتمع. إصلاح المجتمع c'est un livre qui a été écrit par البيحاني رحمه الله, un savant du Yémen. Il s'appelle البيحاني. Il a des erreurs dans certaines choses. Parmi ces erreurs, ce qu'il va citer là. البيحاني donc il a cité un kalam. قال البيحاني dans son kitab إصلاح المجتمع الأقرع ابن حابس. الأقرع ابن حابس c'est un صحابي رضي الله عنه. البيحاني dit sur الأقرع رجل غليظ الطبع قاسي القلب. Ça c'est un خطأ. Tu ne dois pas parler في الصحابة هكذا. Il dit أن الأقرع il est غليظ الطبع. C'est une personne, il est dur. قاسي القلب, il a un cœur dur. هذا لا يقال في الصحابة رضي الله عنه. فالبيحاني الذي ذكر كلام كيسك يغبقص على شيخ يحيى هم شيخ يحيى إلى حقق شو كتاب إلا أبلي اللمع أي إلى حقق إصلاح المجتمع. الشيخ يحيى حفظه الله إلى طلب عن هذا الكلام إلى طلب عن هذا الكلام كيسك إلى كونكلو عرفة الشيخ يحيى إلى ذاكو غيك البيحاني إلى مبا الصحابة يطعن في الصحابة alors que في البيحاني صاحب الكلام يجي pas tout ça يجي غفر الله له. لماذا في الشيخ يحيى تجيب هذا؟ ثانيا الشيخ يحيى حفظه الله يليون بوز لا كيستيون يقولون هل تقر أو تطعنون في الأقرع ابن حابس لأن تأتجيب أو تحقق le livre إصلاح المجتمع et t'as pas corrigé cette erreur donc pour eux t'es forcément d'accord. قال الشيخ انظروا يا إخوان الأقرع ابن حابس رضي الله عنه ذكر البيحاني رحمه الله في كتاب إصلاح المجتمع كلاما وكان والله في ذهني لأني قرأت إصلاح المجتمع وعلقت في الدفتر ببعض الأشياء من التعاليق وتعقبات وبعضها فاتتني وفي ذهني أن أكمل ما حصل من تنبيهات في طبعات أخرى. الشيخ دي والله que j'ai allaq sur le livre, il a été imprimé, et ma niya c'était de continuer. Léna, il y a des choses, c'était pas fini. Parmi ces choses, cette erreur. Tout ma chère, il dit le livre, il a été imprimé. Enfin, qu'est-ce que tu lui reproches? Attends, ou appelle-le, ou conseille-le, et chère, il te dit, c'est une erreur. Si moi, j'ai pas montré, montre-toi. Ça ne veut pas dire que Cheikh Yahya il a oublié une chose, il est forcément d'accord. Khazadan, il te montre que Qadiafoud ou Hada ou Gaïr Hada. Cheikh Al-Albani, rahimahullah, il a fait le tahqiq de At-Tahawiyya. Il n'a pas le bain sur Kalam ibn Abil-Izz. Aïe, Mas'alat al-Irja. Est-ce qu'on dit Cheikh Al-Albani, il est d'accord? Ou Cheikh Mohamed Aman, ou Cheikh Ibn Baz. Les mazas pour des savants nationaux, vous trouvez des excuses. Et les mazas pour Fulan, vous ne trouvez pas d'excuses. Khazadan, Fulan, il vous montre. Il vous montre. Prochaine taba, je le montre. c'était dans mon thé. Cheikh, il dit, je pensais à hada. Lakin, ta'lamoun, il est mashghoul, il est kada. Et il a oublié, tu ne peux pas reprocher à quelqu'un un oubli. Rabbana, la tu'akhidna in nasina ou akhta'na. Qala, wa fi daftar, on l'a lu. Qala, wa fi dihni al akmil ma hasala min tambihat fi taba'atin ukhra. Ila al an, ma tubi'at al taba'at thaniya. Naam, et jusqu'à aujourd'hui, la deuxième version n'est pas sortie. Le Cheikh, il n'a pas encore imprimé, réimprimé le livre. Enfin, la première version, il n'a pas nebba. Il n'a pas montré que c'est un erreur. La deuxième version, Cheikh, il a nebba, elle n'est pas encore sortie. Enfin, tu ne peux pas lui reprocher ça. Qala, wa hatta rubbama idha taba'u bighayri idni wa hakada. Qad yaqul qa'il, il y a une deuxième version qui est sortie et tu n'as pas montré. Cheikh, il dit, le livre, rubbama, il l'imprime, il ne me demande pas mon avis. Rubbama, il est imprimé en Égypte, au Maroc, en Algérie. Rubbama, le Cheikh, il n'est pas au courant. Cheikh, il a une taba'a mu'tamada, il a été imprimé une fois. Amma, wahad, il l'imprime sans lui demander son autorisation. Enfin, ce n'est pas une preuve. Qala, fa'inda idin, tilka taba'a fiha kalam ma'ajabani. أن في الأقرع ابن حابس من البيحاني رحمه الله فلم أتمكن ولم أنتبه للتنبيه عليه الشيخ حفظه الله يقول ce كلام une fois que j'ai bien vu j'étais vraiment pas d'accord il dit sur الأقرع ابن حابس il a le cœur dur لكن الشيخ dit ما تمكن ما انتبه فأبخذ tout ça là c'est comme أنت أيها المسلم tu fais une erreur ما انتبه ثم tu nous dis عفوا on te dit là Maintenant, سبق لسان, tu as dit un kalam, tu dis ah, afwan. On te dit là, tu l'as dit, khalas. Akhi, même le khawarij, ils acceptent tawba. Ma nadri haoula. Qala, qalu yuqir al kalam fil aqra ibn habis. Ya akhi, yuridun an yulsiqu bi tuhma. Ya'ni annani at'am fil sahaba. Ana salafiya fajr. C'est ça le but. Ils veulent absolument, vu que Cheikh Yahya, ils ne trouvent pas d'erreur. Wadiha. Et nous, on ne dit pas qu'il n'a pas d'erreur. Lakin, des erreurs qui le font sortir de la sunna, ils ne trouvent pas l'adha ou l'ilham. C'est un sunni, c'est un salafi. Enfin, ils essayent de trouver des points. En rubbama, les gens, ils le délaissent. Et Andor, parmi les points qu'ils ont trouvés, il ta'an fil aqra ibn had. Alors que celui qui a parlé, c'est le Bayhan. Alors que lui, il a nié de corriger, le livre, il n'a pas été réimprimé. La première édition, mantaba, il n'a pas fait attention. Comme certains imams, ils ont corrigé des livres et ils n'ont pas fait attention à toutes les erreurs. Sauf si à la fin tu penses que la personne il est ma'soum, Allah a'lam. Allah al-musta'an. Ça vous montre hiqt. Ça vous montre hiqt al-rajul. Arafat et ce qui le suit. A'la ilm. Kadhalik, deuxième point, au dernier point dans ce mas'ala, anna celui qui a préfacé l'ouma, c'est qui? C'est Cheikh Muqbil. خلاص اكيد الشيخ مقبل كذلك صافي عجيب لان الشيخ لو كلام ديال البيحان celui qui a dit l'Aqra ibn Habis il est dur il a le cœur dur Cheikh Yahya il corrige ce livre il oublie cette erreur et il dit dans la prochaine édition inchallah je vais montrer الان Cheikh Muqbil aussi il a préfacé pourquoi Cheikh Muqbil il a pas montré qu'est-ce qu'il va dire il a pas vu Cheikh Yahya il a pas vu il s'est trompé Cheikh Yahya s'est trompé خلاص لماذا deux poids, mille mesures, l'imada. Ils vont dire kadalik. Oh, ils peuvent dire kadalik, mais Cheikh Mokbil, il a fait que préfacer, il n'a pas corrigé. Il y a une différence. Cheikh Mokbil, il préface le livre. Cheikh Yahya, il le corrige. On lui dit sahih. On lui dit kadalik, Cheikh Yahya, il a préfacé la risala que vous avez prétendu que son élève, il a critiqué le rasoul. Pourquoi vous avez mis la faute sur Cheikh Yahya alors il a que préfacé? Pourquoi tu ne fais pas pareil avec Cheikh Mokbil? Ya jama'a, ces kalam, ils sont étonnants min haoula, lakin al hawa. Ne t'étonne pas. Wallahi, anna al hawa, elle pousse la personne à hada ou achat. C'est ça le hawa. Celui qui veut le haq, il veut rectifier. Ya Cheikh, kalam al bayhani, t'as oublié. Cheikh, il te dit, j'ai oublié. La prochaine fois, nabba. Ina'am. Je sais que là, frère, on en parle. Lakin al qawm, ils ont la hawa. Sallallahu subhanahu wa ta'ala, an yahdi al muslimin, subhanak wa bihamdik, shadu la ilaha illa anta.